Le cartel, Lasco, K-A-V-O-M. Ok. Dans ce monde j'ai vraiment trop de trucs qui me mettent la rage. Alors au lieu de crier je prends mon bic et balaf ma page. De sortir ma haine, de pleurer ma rime de toute sa peine. Je rêve d'une vie paisible, emballée comme cadeau sous le sapin. Si tu savais ma peine, tu pourrais pas me croire. Tu penses quoi ce que je dis, alors regarde dehors, y'a qu'à voir. De la détresse, de la tristesse, la fin du monde en finesse. Des problèmes de finance alors certains déjeunent au caviar. Tu trouves ça normal, mais pour ma part non. La mais tu une pute, un animal qui agit et dit jamais pardon. Regarde ce qu'on a fait de la terre et de ses habitants. Une planète polluée de l'Amérique jusqu'à l'Occident. Et on se plaint en cas de drame et d'accident. À ce rythme là, nos futurs membres naîtront et n'auront que 6 dents. Putain, je vais dénoncer ça parce que j'ai honte. Comprends que j'écris la vérité se trouve dans les yeux du monde. Ça se dégrade, la race est-elle dégrade? Trop c'est pas dans le crâne, je trouve ça crache. Je me demande où ça va. Ça se dégrade, une parole au regard, le coup part. On est venu en tant qu'innocent, repartira coup part. Ça se dégrade, tu finis par finir à part. Si tu veux jouer les durs, ta vie tu la finiras pas. Ça se dégrade, les jeunes ont envie de tout péter. Partout ça pète des câbles, on ne cesse de le répéter. 2005, on nage en plein apocalypse. Y'a plus que le rap qui nous rallie et nos consciences sont salies. Ressens-tu le drame, les frères s'enculent grave. Tout dégrade, l'état s'aggrave et ça crame. Pour elle nous ressent, tout ça clame, tout ça craint. Mon frère veut quitter la zone et ça crame. L'état nous a languis, sache que la France est quasi utopique. Je l'ai compris, je rappris jusqu'au pire. Les dirigeants méritent des claques entre les classes sociales, gros dégâts. Attends-toi à ce que tout éclate. Bref, j'ai fait ce test, c'est que ça va mal. Je m'exclame à mort, tout ça n'est qu'alarmant. Traité-t-elle des détritus, j'ai tout misé sur l'écriture. Toujours dans l'anonymat, ma rythme. Résidus. Moi je remercie Dieu, sans lui le mal est assidu. N'en fais pas plus, tu sais, tout est assez dur. Pense à l'état, les mises se positionnent. Parce qu'on a perdu la raison, nos voix s'élèvent de nos imprécisions. Tous dégradent dans nos rues comme dans leur palais. Donc c'est la vérité qu'on vient leur étaler. L'armée de rage, rien ne s'arrache. Les frères se battent et se rassemblent. On vit dans le mensonge et chacun pour sa race. La mixité fait peur à la France. La vérité nous crève les yeux, donc obligé que vous l'ayez en face. Tous dégradent en bas des rues, c'est la déroute. Donc dans nos têtes, bien et mal se font la guerre comme à Beyrouth. J'entends les jeunes crier, faut qu'on parte d'ici. Sarkozy a tiré les bombes, faut une révolte et qu'on y participe. Tout va mal, le monde s'écroule peu à peu. Écrasé sous les débris, on ne sera plus très nombreux. Ça se dégrade et y'a rien pour éviter tout ça. Faut que l'under se révolte, mais il faudrait déjà qu'on soit tout ça. Ça se dégrade, la race est-elle dégrade? Trop c'est pas dans le crâne, je trouve ça crache. Je me demande où ça va. Ça se dégrade, une parole au regard, le coup part. On est venu en tant qu'innocent, repartira coup part. Ça se dégrade, tu finis par finir à part. Si tu veux jouer les durs, ta vie tu la finiras pas. Ça se dégrade, les jeunes ont envie de tout péter. Partout ça pète des câbles, on ne cesse de le répéter. C'est la merde. Je te le répète, même si tu le sais déjà, c'est la guerre. Regarde à l'horizon, y'a trop de dégâts. Partout ça pète. Les cocktails animent nos cités, nous arrachent pleines. Qu'on fasse preuve d'animosité. Les poches plus que vides, mec, c'est la galère. On va ramasser le fric tout en évitant la calèche. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps passe trop vite. C'est la zézère, le bonheur s'est fait troquer contre un bout de shit. C'est comme du bullshit, les amis se font rares. On croque, vu qu'on a la dalle, on gueule, vu qu'on a la rage. Mais faut remplacer vrai, y'a plus moyen de marcher ensemble. On crie avec pour but de se faire entendre. T'inquiète, mon pote, on tendra pas notre cul à Nicolas. C'est à l'époque, la France nous joue des sales tours. Alors, Nicolas, je bois des mots vulgaires pour être sûr qu'on m'écoute. Le rap, mon oxygène, car dans ce monde, on est tous. Ça se dégrade, la crasse est-elle dégrade? Trop c'est pas dans le crâne, je trouve ça crache. Je me demande où ça va. Ça se dégrade, une parole, on regarde, le coup part. On est venu en tant qu'innocent, repartira coup part. Ça se dégrade, tu finis par finir à part. Si tu veux jouer les durs, ta vie tu la finiras pas. Ça se dégrade, les jeunes ont envie de tout péter. Partout ça pète des câbles, on ne cesse de le répéter. Ça se dégrade, la race est-elle dégrade? Trop c'est pas dans le crâne, je trouve ça crache. Je me demande où ça va. Ça se dégrade, une parole on regarde, le coup part. On est venu en tant qu'innocent, repartira coup part. Ça se dégrade, tu finis par finir à part. Si tu veux jouer les durs, ta vie tu la finiras pas. Ça se dégrade, les jeunes ont envie de tout péter. Partout ça pète des câbles, on ne cesse de le répéter. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade.